installer ici, à racheter, enfin c'est une histoire de finance, hein, à racheter les chantiers. Donc ils sont venus s'installer ici en 70, et donc le chantier a fermé en 87. Il s'appelait à ce moment-là du Bigeon. Le chantier ici. Le chantier s'appelait du Bigeon. Bon, alors est-ce qu'il vient mon acolyte là ?